Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable marketing produit pour l'Office de tourisme de Nancy. Et cette semaine, nous nous intéressons à une page de l'histoire de la ville et de la région, l'Art Nouveau et les différentes visites possibles. Avant de parler de tout ça, peut-être une petite distinguo, Art Nouveau, Art Déco. Je sais que beaucoup de monde, et moi le premier, on se mélange un peu les pinceaux des fois. Oui, c'est vrai, beaucoup confondent en fait ces deux styles. Et certaines de nos visites, justement, permettent de voir les deux, de l'Art Nouveau et de l'Art Déco. Ça permet vraiment de faire le point. En quelques mots, l'Art Nouveau, c'est le courant artistique qui se développe autour de 1900, hein, fin 19e, début 20e, dans toute l'Europe, avec une forte influence de la nature. Donc dans l'Art Nouveau, on a beaucoup de courbes, de lignes sinueuses qui rappellent la nature. Et la nature est aussi très très présente dans le décor, et souvent de manière réaliste. Hein. Alors que l'Art Déco, en fait, si vous voulez, c'est un peu une évolution. L'Art Déco apparaît vers 1910, juste avant la guerre, mais va finalement surtout se développer dans les années 20, dans les années 30. Et l'Art Déco va lui-même évoluer. Et en fait, au début, on a encore un décor très présent, qui peut être aussi lié à la nature, mais surtout avec des formes très géométriques. Et donc, c'est à l'opposé de l'Art Nouveau, en ce sens où on a des lignes géométriques qui s'opposent aux lignes sinueuses, naturelles de l'Art Nouveau. Et puis, petit à petit, ce décor va disparaître, et à la fin de l'Art Déco, on n'a quasiment plus de décor. Donc, c'est une architecture, en fait, qui se différencie vraiment de l'Art Nouveau, et notamment quand on va au parc de Serupt, par exemple, on a des belles villas Art Nouveau, des belles villas Art Déco, et en fait, quand on voit les deux l'une à côté de l'autre, on voit tout de suite la différence. Voilà, les exemples sur Nancy sont nombreux. Alors, de quelle manière les découvrir du mieux possible? Alors, il y a vraiment beaucoup de façons de découvrir ce patrimoine. Tout d'abord, avec un simple plan, nous avons un plan découverte qui recense un certain nombre de bâtiments Art Nouveau, et également un document spécifique Art Nouveau avec plusieurs circuits, que ce soit en centre-ville, au parc de Serupt, autour du musée l'école de Nancy ou autour de la villa Majorelle. Donc ça, c'est à faire en autonomie. Toujours en autonomie, mais si vous voulez un peu plus d'informations, nous avons des audioguides en différentes langues qui sont proposés. Et puis pour un public familial, nous avons développé l'application Baludique avec un circuit Art Nouveau, donc pour petits et grands, pour apprendre à observer ces belles façades et tout leur décor. L'application Baludique que vous avez déjà évoquée dans d'autres chroniques précédemment, donc on peut y faire plein de choses. Oui, effectivement, il y a plusieurs circuits autour de Stanislas, dans le centre historique, autour du patrimoine industriel et également autour de l'Art Nouveau. Donc nous avons actuellement 4 thématiques avec Baludique. Il y en a d'autres qui viendront d'ici la fin de l'année, notamment autour de Saint-Nicolas. On peut bien sûr retrouver toutes les informations sur le site de l'Office de Tourisme. On s'intéresse maintenant peut-être à ce qui nous attend ce week-end. Oui, tout à fait. Donc pour le week-end prochain, donc nous avons comme tous les week-ends des visites Art Nouveau. On peut notamment découvrir ce vendredi le parc de Serupt, donc qui est ce très beau quartier pas très loin de la place des Vosges, où on trouve donc des bâtiments Art Nouveau et des bâtiments Art Déco. Car en fait, c'est un projet qui n'a pas eu vraiment de succès à l'époque de l'Art Nouveau au début du XXe siècle. Il n'y a eu que 6 villas Art Nouveau qui ont été bâties. Il a fallu revoir le projet immobilier. On a réduit les parcelles et ce quartier s'est vraiment urbanisé dans les années 20-30, qui correspond donc à la partie Art Déco. Donc cette visite est proposée le vendredi 7 août à 10h30. Nous proposons également une autre visite ce samedi 8 août qui s'appelle L'eau à Nancy de la place Stanislas aux rives de Meurthe. Alors si vous ne le savez pas, eh bien Nancy ça veut dire marécage, donc l'eau est très présente dans l'histoire de la ville et surtout dans le sous-sol. La place Stanislas a été construite sur pilotis, sur une zone marécageuse. Donc ce sera le point de départ de cette visite qui nous mènera vers des espaces plus connus pour l'eau, notamment vers le canal et les rives de Meurthe. Donc quartier industriel avec une très belle faune, une très belle flore également que l'on peut découvrir. Donc voilà, une visite un peu plus nature pour ce samedi. Merci à Vincent Dubois. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site www.nancy-tourisme.fr ou par téléphone au 03 83 35 80 10. L'office de tourisme, c'est place Stanislas à Nancy.